T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indy sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know, sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très très heureux de vous retrouver en ce samedi, fin d'après-midi, fin de très très bel après-midi puisqu'il fait au moins 25 degrés ici dans la région. On n'a pas trop à se plaindre de la météo, en tout cas ça se passe très très bien. En ce moment il fait même presque trop chaud, on avait perdu un peu l'habitude. Et puis comme chaque premier samedi du mois, donc nous sommes en direct sur les ondes de RGL entre 17h et 18h30 pour vous faire découvrir, eh bien, pendant une heure et demie, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, en tout cas de la musique que vous n'entendrez pratiquement nulle part ailleurs. Au programme d'aujourd'hui, eh bien, une vingtaine de morceaux comme chaque mois, avec beaucoup de nouveautés. On aura notre album Powerplay, comme chaque mois. Et puis je vous propose de commencer tout de suite cette émission avec un morceau du duo Sergei 77, alias Danile Jelajovic de Serbie, Belgrade en Serbie, avec John Camp qui est grec. On les écoute avec un morceau tout à fait d'actualité. Ça s'appelle Carpe Diem. Oui, profitez de la vie, surtout quand il fait aussi beau qu'aujourd'hui. Et après eux, ce sera The Whispering Tree avec Fat Cat. Thank you.

Il n'y a pas à dire, hein. Ça c'est de la voix, c'est la voix de Adriana Di Antonio qui est la chanteuse du groupe chypriote Black Anis, cet extrait de leur EP, 5 titres, Résonance 2116 pour être tout à fait complet. Si vous aimez ce genre de voix, des voix féminines qui ont une certaine énergie, voire une énergie certaine, eh bien, il faudra que vous nous soyez fidèles et que vous connectiez de nouveau pour notre prochaine émission au mois de novembre, parce qu'on vient de recevoir le tout nouvel album de Sari Shore. Sari Shore qu'on vous a fait découvrir déjà en long et en large précédemment. Et c'était un peu trop juste pour l'inclure dans la programmation de ce soir. Mais le mois prochain, il n'y a aucun doute, on ira faire un petit tour sur cet album. Pour l'heure, et avant de passer à notre album Powerplay, on va encore écouter un extrait du nouvel album de Pink Dust, un album qui s'appelle Ming. Le morceau sélectionné aujourd'hui s'appelle So Far Gone. Et puis après, un autre extrait d'un nouvel album aussi de Mystery, groupe québécois de rock progressif, un double album enregistré en public. On écoutera The Sailor and the Mermaid, mais pour l'heure, The Pink Dust avec Mystery. Si vous voulez. We're so gone. Cliff the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. I really had to go. Il y a de quoi se laisser emporter hein, par la musique du groupe Mystery. On les écoutait avec The Sailor and the Mermaid. C'est le morceau eh bien, qui clôture leur double album enregistré en public. Et puisqu'on est en public, eh bien, la transition est toute faite puisque on va passer à notre album Powerplay. Alors j'ai choisi de vous présenter ce mois-ci le dernier album en date du groupe Son of the Velvet Rat. Un album qui s'appelle The Late Show, un album enregistré en public et enregistré pour leur label américain qui s'appelle Fluff and Gravy Mint 400. Cet album de Late Show est un souvenir de leur grande tournée qu'ils ont faite en 2017. L'album a été enregistré en trois endroits bien particuliers, à savoir The Ritz à Vienne en Autriche, la salle Schön et la Friedenhagen en Allemagne, et enfin au Studio Venue à Burbank en Californie. C'est un album qui contient 11 titres et il fait référence, il y a plusieurs chansons en tout cas qui font référence à leur, ou qui sont tirées de leur dernier album studio Dorado, mais l'album contient aussi des chansons tirées d'albums plus anciens comme Animals, Fire Dancer, Red Chamber Music ou encore Another Glass of Champagne. Vous allez pouvoir découvrir une ambiance pleine de passion, une ambiance trempée de sueur, une ambiance électrique. C'est en fait avec cet album de Late Show une bonne introduction pour le son bien particulier du groupe Son of the Velvet Rat, dont on parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Pour l'heure, je vous ai donc sélectionné un premier extrait. C'est un extrait qu'on a déjà entendu dans cette émission, mais je le trouve très bien, donc bah voilà, je l'ai encore reprogrammé. Ça s'appelle Friends with a God, c'est notre album Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, je vous rappelle leur nom, Son of the Velvet Rat, et comme je vous le disais donc, c'est enregistré en public. Powerplay. Powerplay. Pull out of my head. All I've conjured up now are roadkill and rats. Try to be happy. I do the best I can. Things get in my way. You, friends with you, with you. Don't hear me complain. I got to nurse my voice. Oh, but I reclaim my time if I had a choice. You shut down your business before my bills are due. I'll stand in line and I'll wait for your cue. God, oh, come on, give me a reason. God, oh, please, give me a clue. Friends with you. Oh, friends with you. Friends with you. With you. God, oh please, give me a reason. God, oh won't you give me a clue. God, oh come on now, give me a reason. Friends with you. Thank you. ambiance un peu sombre, voire gothique, qu'on redécouvre avec le groupe Dissonance, le groupe de Cat Hall. D'ailleurs, le titre n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant non plus, puisqu'il s'appelle Stranglehold, qu'on pourrait traduire par étranglement. Comme vous voyez, ça respire la joie de vivre. Hein. Dissonance, donc. Et puis on va poursuivre avec l'artiste Ethereal UK, morceau qui s'appelle Strange World, a Normal Girl. C'est une artiste, enfin un artiste ou une artiste, maintenant je sais plus ce qu'il faut dire, transgenre thaïlandaise. Donc vous voyez, on laisse la parole à tout le monde dans cette émission et à tous les styles musicaux. Et puis on parlera aussi un peu plus longuement tout à l'heure du festival cinéiste qui vient de débuter, dont la cérémonie d'ouverture c'était ce jeudi à Luxembourg. Ça sera pendant quelques minutes. Là, tout de suite, la place à Ethereal UK, Strange World, Normal Girl. Et puis après, ce sera une autre nouveauté, Maya Wynn et le morceau Sleep. I am just a girl breathing in this world. As we dance, as we twist, as we twirl so strange. As we dance, as we twist, as we twirl so strange. Is now where it belongs. A thousand songs are lost at sea. Deep within my consciousness, compressed, my desires for a remedy. Très belle voix, elle est toute jeune, elle s'appelle Maria Wynn et elle nous interprétait le morceau Sleep. Attendez un petit peu vous pour vous endormir, en attendez encore au moins jusque 18h30, c'est l'heure à laquelle on se quittera. Pour l'heure, on va vous parler en quelques mots du Festival Cinéiste qui est de retour pour sa 11e édition. 11e édition qui va se tenir du 4 au 21 octobre et qui vous permettra d'assister à peu près une centaine de séances avec plus de 60 longs métrages, 40 courts métrages issus de 20 pays de l'ancien bloc communiste. Ça se passera dans plusieurs endroits et notamment sur Luxembourg à la Cinémathèque, à l'Abbaye de Neumünster et au Ciné Utopia. Vous aurez aussi des soirées avec des invités. Il y a une trentaine d'invités, qu'ils soient réalisateurs, acteurs ou producteurs, qui ont été invités. Et puis aussi cette année 2018, le festival célébrera le centenaire de l'indépendance de plusieurs pays d'Europe de l'Est, avec notamment la Lettonie qui est mise à l'honneur. Et il y avait d'ailleurs l'ambassadrice de Lettonie aux Pays-Bas qui est venue prononcer son petit discours lors de la séance d'ouverture jeudi dernier. En ce qui concerne le programme cinématographique, je vous laisse aller voir sur leur site internet www.cineist.lu. Mais comme on le disait, eh bien, ce festival, ce n'est pas seulement que du cinéma, mais il y a d'autres événements à côté qui concernent la musique, la photographie, voire même la gastronomie. Et on va vous parler en quelques mots de tout cela. Il y a notamment 5 concerts, 3 expositions, 6 séances ciné-débat et des soirées thématiques qui sont prévues, notamment pour découvrir la gastronomie des pays de l'Est. En ce qui concerne, eh bien, le programme musical, vous pourrez aller au Rotonde pour la Baltic Party avec comme tête d'affiche le groupe indie rock letton Polyphona. Ça se passera le 13 octobre, donc c'est samedi prochain. Le lendemain, eh bien, la légende slovaque de la trompette de jazz de Lako Deci, ou Deci, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, se produira à Neumünster, à l'abbaye, donc dans le cadre des apéros jazz. Ça commencera à 11h. Et puis enfin, la soirée de clôture sera animée par le groupe français Survolté, Attentat Fanfare. Ça se passe à Melusina le 20 octobre. En ce qui concerne la programmation, on va dire, ciné-gastronomique, vous aurez droit à la traditionnelle soirée gastronomique avec une sélection des plats et des boissons de l'Europe de l'Est. Ça se passe le 9 octobre à la brasserie Wenzel. Et puis il y a d'autres soirées spéciales dédiées à certains pays, notamment la soirée géorgienne le 6, donc c'est aujourd'hui, la soirée lettonne le 8, la soirée tchèque le 9, la soirée slovène le 13, et vous aurez aussi le choix avec la soirée slovaque samedi prochain, donc le 13, la soirée bulgare le 15 et la soirée lituanienne le 16. Sans oublier aussi la grande exposition photographique Identité qui se tient dans les caves de l'abbaye de Neumünster. Et puis il y a aussi 2 autres expositions d'affiches de films, une centrée sur les films polonais, ça se passe à l'ancien cinéma Vianden, ça c'est un peu plus loin, et puis une autre qui se tiendra, tout à fait correct, à l'ambassade de la République tchèque au Luxembourg du 10 au 18 octobre, donc c'est sur la nouvelle vague tchécoslovaque. Et puis il y a aussi des ciné-débats, notamment une sur le cyclisme professionnel avec Andy Schleck. Ça se passera le 9 octobre. Tous les renseignements, vous les trouverez sur leur site internet www.cineist.lu. Pour l'heure, nous, on poursuit en musique et avant de retourner sur notre album Powerplay avec les Nightbirds et le morceau A Matter of Time. Bah oui, tout n'est qu'une question de temps. wanna stay. I guess you play where you wanna play. C'était les oiseaux de nuit, les Night Birds avec A Matter of Time. 17h40, 50 minutes, voilà, la seconde près. Vous écoutez Planète Indie comme chaque premier samedi du mois en direct sur les ondes de RGL. Cette émission sera rediffusée demain dimanche aux mêmes heures entre 17h et 18h30, toujours sur RGL. Et puis vous pouvez redécouvrir toute la programmation sur le podcast qui sera disponible si pas déjà ce soir, et bien au plus tard demain sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis nous sommes aussi présents sur Facebook, vous tapez Planète Indie et puis vous rejoignez le groupe, et puis c'est parti, comme on pourrait dire. En parlant de Facebook, voilà, j'ai mis sur la page de Planète Indie une vidéo donc du groupe Son of the Velvet Rat, qui est notre artiste et notre album Powerplay aujourd'hui dans cette émission. Son of the Velvet Rat, qui est un groupe autrichien fondé par le chanteur Georg Altziebler et l'accordéoniste Heike Binder. Le groupe se compose en outre de Albrecht Klinger à la basse, Michael Willmann aux percussions et Kolya Radenkovic à la guitare et à la trompette. Son of the Velvet Rat, donc, c'est une affaire de famille, puisque Georg Altziebler et Heike Binder, ils sont non seulement partenaires en musique, mais ils sont partenaires dans la vie, puisqu'ils sont mari et femme. Le groupe a été fondé en 2003. Il a commencé ses morceaux avec des morceaux avec très peu d'instrumentation, qui étaient notamment qui se trouvaient notamment sur l'album Spare Some Sugar for the Rat, donc ça veut dire garde un peu de sucre pour le rat, ainsi que l'album By My Side sur le label Starfish Records, qui était un petit label basé en Californie. En 2006, ils ont été signés par le label indépendant autrichien basé à Vienne, Monkey. Et cette même année, donc en 2006, leur morceau Fall With Me a atteint le numéro 3 sur les hit-parades nationaux autrichiens sur la station publique FM4 et en numéro 47 pour l'ensemble de l'année 2007. En 2008, le groupe Son of the Velvet Rat a été nominé parmi dans la catégorie, alternative pour les Amadeus Austrian Music Awards. Tout comme leur album Red Chamber Music, l'album Fire Dancer a aussi été nommé meilleur album autrichien pour l'année 2013. Et puis on peut encore dire que l'album Fire Dancer a été est sorti aux États-Unis en 2014. Puis en 2015, Görgel Stiebler et sa femme Heike Binder ont quitté notre vieux continent pour aller s'établir dans le désert du côté de Joshua Tree en Californie, un endroit qui était devenu une sorte d'enclave pour les artistes et les musiciens comme Paris l'était dans les années 20 ou Laurel Canyon dans les années 60. Que vous dire de plus pour leur je vous ai dit, je pense, tout ce que je devais vous dire. On verra la suite tout à l'heure. Et la suite immédiate, c'est la musique avec un autre extrait de leur album enregistré en public. Un album, je vous le rappelle, qui s'appelle The Late Show. Et on va écouter Do You Love Me par le groupe Son of the Velvet Rat. C'est reparti. Powerplay. Power play. Free mind is a blank page and a white bird set free from a bird cage. White is my color. Let the white bird sing, let it snow in June, and I promise I'll stop waiting for the full moon to grow. Should I get rid of my records and my diaries? Should I ask the man at the registry office to burn my file? Sometimes the past, it doesn't seem to mold, and sometimes I wish that I was cold-blooded like a reptile. Do you love me for that little crack in reality? Do you love me for that little crack in my soul? Or won't you stick your fingers right through the crack? Telling you shoot the black flag. Come on and shoot it full of hope. Oh, but tell me, what can you give away? Name me someone brave who'll come and say, give it to me. I'm going down to the basement to see what I can find in these drawers. In my mind, what could it be? Do you love me for that little crack in reality? Do you love me for that little crack in my soul? Or won't you stick your fingers right through the crack? Mortality, come on and shoot the blue flag. Full of holes, your skin on my skin. Do you love me? Your breath in my ear. Do you love me? But there is no future. Do you love me as long as you're here? For that little crack in reality. Do you love me for that little crack in my soul? And won't you stick your fingers right through the crack of mortality? Come on and shoot the black flag. Come on and shoot it full of holes, please. We'll be right back. his age, height and weight on the questionnaire for an online date. Uploaded 6 photos, maybe 10 years old. Too bad if they believe everything they're told. It's the dating game. Worked hours on his profile to entice a late night liaison with me, sugar and spice. She wants someone honest, kind and sincere. He wants a nice rack and a sweet derriere. That's the dating game. Into the sunset you both shall ride, a dream lover by your side. If it all plays out, thank the dating game. Upgraded his account to beat the odds. Got down on his knees and appealed to the gods. One swipe right, maybe he'll get lucky. Won't have to bait alone with that rubber ducky. No, no, no. She looked real tall, could you even reach her? Slim blonde, yoga teacher. Sad gray eyes, slender neck. Could she be the one or a 5-car wreck? The dating game. Into the sunset you both shall ride, a dream lover by your side. And if it doesn't go south, thank the dating game. Logs on hoping for a match, reel in the perfect catch. He holds the answer to all her prayers. Let's toast to the future of the happy pair. The sucker's born every minute on the hour. Will you pluck a thorn or pick a flower? Could end up even more sad and lame, messing around in the dating game. The mating game. Into the sunset you both shall ride, dream lovers side by side. Yes, it's a guarantee. Yes, welcome to dreamland where hope resides. A bottle of Dom, you're stunning bright. Well, that's the promise of the dating game. Yeah, just pay the fee. You'll discover your long-lost significant other. Well, that's the nature of the dating game. That's the dating game. It ain't a booty call, that's what she told me. No, no. Hi, we're Lily Sparks. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. I was born in the strangest time. I had no roots that I could find. People living in rows and lines, starting to dig in. See, where, oh, where's the forgotten tree? branches of humanity whose roots come down to you and me. Why is it hidden? So I search the earth and I search the sky, beyond the shores and borderlines, from the Andes up to the northern Rockies. I will not stop till I find me the mother tree. Tongues were tied and our hands were bound, people robbed of common ground. When the new boss came to town, the old ways started dying. I looked for clues, but what I heard was truth twisted, history blurred. Divide the people, conquer the world, but the trees survived. So I search the earth and I search the sky, beyond the shores and border lines, from the highlands to the Aegean Sea. No, I will not stop, I will not stop. Yeah, I search the earth and I search the sky, beyond the shores and border lines. I will cross the Nile to the Kalahari, I will not stop till I find me the mother tree. From the Himalayas to Ayers Rock, I'm scaling the walls and I'm picking the locks, and I'm discovering that each of us came from the indigenous. Where is the mother tree? Gonna hunt the mystery, from the northern lights to the Caspian Sea. Why is it hidden? Gonna find that magic wood, bring the seeds back home for good, to plant in my old neighborhood. Feel it coming. So I search the earth and I search the sky, beyond the shores and border lines, going up the Indus and down the Yangtze. I will not stop, I will not stop. Yeah, I search the earth and I search the sky, beyond the shores and border lines. I will sail the shining in search of thee, and I will not stop till I find me the mother tree. From the Yucatan, I'm on my way to Hokkaido and Spirits Bay. C'est un morceau qui n'a pas trop mal vieilli. Je vous dis ça parce qu'il nous ramène en 2007. Bah oui, c'est notre souvenir du jour. C'était l'artiste Night Fox avec un morceau intitulé Mother Tree. Si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être ou pas, c'est selon, on a découvert l'album America 2.0 de Paul Messenger comme Powerplay. Il a déjà ressorti un autre album depuis lors qui s'intitule Love Will Find You, 9 Degrees of Relationship. Et donc il y a 9 chansons, 9 morceaux sur cet album, et elles parlent toutes des relations au sens large, qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres. Et il voit donc 9 étapes possibles dans les relations. Et bien je vous propose de découvrir l'étape du courage, c'est l'étape numéro 6, Courage, Do What You Do. C'est extrait de ce nouvel album de Paul Messenger, Love Will Find You, 9 Degrees of Relationship. Reach out for a hand now. It's not too much. saves to praise the Lord now. I think I've heard that lion, heard that lie, heard that lion's roar. But I said, no man, no man who takes that road can wind up where they really want to go. Now listen. You gotta do till the time has come in your life, in your time. Tell me something I don't know. For what is going around will soon come around. It's getting ready to roll. Now something getting ready. No save the world land, no need no more games to play. Now believe me, I'm not one to tell people what they should do, but there is one thing I will say. I say the time has come, you got to do what you do, what you do, what you gotta do. Yeah, the time has come in your life, in your time. Tell me something I don't know. For what is going around will surely come around. It's getting ready to roll. Now something getting ready to roll. Reach out for a hand now. It's not too much to ask. What you got to do? Do what you gotta do. Do what you gotta do. Be what you gotta be. Your life and your time. Do what you gotta do. Be what you gotta be. Your life and your time. Do what you gotta do. Be what you gotta be. Your life. What you gotta do, be what you gotta be. Your life, your time. Thank you. C'est une autre nouveauté dans cette émission. Je pense que c'est la toute première fois qu'on l'écoute et donc la toute première fois aussi que je prononce son nom. Elle s'appelle Laura Mead, avec extrait d'un album intitulé Remedium, et on écoutait Every Step. Et avant cela, donc, c'était extrait du nouvel album de Paul Messenger. C'était l'étape du courage. Courage, do what you do. C'est l'étape numéro 6 dans le degré, ou dans les, dans la, c'est la sixième étape des relations. 18h16 minutes, et grand temps de retourner pour la troisième et dernière fois sur notre album Powerplay, l'album de Late Show du groupe, est-ce qu'il faut dire australien, autrichien, j'ai du mal aujourd'hui, pourtant j'ai pas bu, hein, je vous promets, autrichien ou américain, puisqu'ils sont établis désormais en Californie, dans le désert de Mojave, du côté de Joshua Tree, mais ils sont originaires d'Autriche. Le groupe, je veux parler du groupe Son of the Velvet Rat. Leur musique a été inspirée par une grande variété d'artistes et de styles, dans lesquels on pourrait mettre Toots Van Zandt, Georges Brassens, voire même Jacques Brel, ou encore le groupe de rocker Dead Moon. Leur musique est souvent comparée à des gens comme Bob Dylan, Leonard Cohen ou Tom Waits. Leur style a été décrit comme étant du folk noir, du folk rock, du garage rock ou encore de l'Americana. Et puis aussi, on peut dire que depuis leur début, le groupe a reçu pas mal d'accueil positif, notamment dans leur pays d'origine, l'Autriche, et dans d'autres régions d'Europe. Georg Altsibler a été catalogué comme le meilleur chanteur et compositeur autrichien de tous les temps par le journal autrichien Courier und Wiener Zeitung. Le catalogue du groupe comprend aussi des collaborations avec Lucinda Williams sur Red Chamber Music, c'était en 2011, et l'ancien bassiste de Wilco, Ken Krumer, qui a aussi produit leurs albums Lost and Love en 2007 et Animals en 2009. Que dire de plus à propos de Lucinda Williams? Elle a écrit un commentaire dithyrambique, on pourrait dire, sur dans Stereo Subversion. Et on peut dire aussi que Pete Jesperson, l'ancien producteur et manager du groupe The Replacement, a écrit les notes pour l'album Red Chamber Music. Leur site internet www.sonofthevelvetrat.com. Et je vous rappelle que je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie une vidéo qui avait été tournée en Autriche, donc au cours de cette tournée de promotion de l'album Dorado. Et nous, on va écouter donc un troisième et dernier extrait. Et cet extrait s'intitule Franklin Avenue. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, l'album The Late Show du groupe Son of the Velvet Rat. Powerplay. Powerplay. Can't in fact return to what isn't a place. But I know I've been here before, and I've been here with you. I don't care if it's a dream, as long as it holds true. Like walking down a sidewalk, someone else's socks and shoes, remembering the smell of the garbage can and every crack in the pavement too. I've seen those ghostly lights before, when the morning turns to blue. I see the ashes and the dust, and I see moaning on a fallen leaf. within, but it seems so out of reach. Might be a footprint in the sand down on Zuma Beach. But I know I've been here before, and I've been here with you. I don't care if it's a dream, as long as it holds true. It's like walking down a sidewalk in someone else's socks and shoes, remembering the smell of the garbage can and every crack in the pavement too. I've seen those ghost fillets before, when the morning turns to blue. I've seen the ashes and the dust, and I've seen the morning dew down on the fallen leaves. Pas l'habitude du tout de couper les morceaux et surtout les powerplay, mais on commence tout doucement à arriver à la fin de l'émission. Je dois encore vous parler de la programmation de la Rocale. On va le faire en vitesse sur la fin du morceau. Alors, aujourd'hui, vous pouvez voir Niska, le 8, Tony McAlpin, le 9, Designer, le 11, Christine and the Queens, le 11 aussi, vous pourrez aller voir Synapson, le 17, David Ellefson. Le 18, c'est Aurel San. Alors, le 20, ce sera le spectacle de Jeff Panaclock, Contre-attaque. Le 21, le roller derby Mad Tracks. Le 22, Gogo Penguin. Le 24, Hamza. Et puis le 31, ce sera The Grand Club Songwriters Show. Notez aussi que le concert de Raphaël Sadik du 2 novembre est annulé. Voilà. Je vous rappelle aussi donc que cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence, la fréquence de RGL, que le podcast sera disponible en écoute 24h sur 24, soit déjà aujourd'hui, soit avant la fin du week-end, ça c'est promis. Et puis notre site internet, l'adresse c'est www.ilovemusic.ga, où vous tapez Planet Indie dans Google et vous arriverez chez nous, il n'y a pas de souci. On a encore un peu de musique à vous proposer, et pour l'heure, le groupe Skittish avec Nights Like These. No. va couper Skittish un petit peu aussi parce qu'on doit encore écouter Parmi Dylan, on aura juste le temps. It's okay if you're not okay. Je vous avoue que j'avais encore deux autres morceaux à vous proposer aujourd'hui, mais j'ai trop parlé. Il y avait des gros dossiers aujourd'hui avec le cinéaste notamment. Donc rendez-vous dans un mois le samedi 3 novembre entre 17h et 18h30 pour le prochain rendez-vous en direct. Les rediffusions, j'en ai déjà parlé. www.ilovemusic.gr. On se quitte donc avec Parmi Dylan, It's okay if you're not okay. Passez une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon week-end. Et on se retrouve donc début novembre pour de nouvelles aventures musicales. Portez-vous bien, à bientôt. Get up, you get down. It seems a while since you've been around, but you don't believe the things that go down. You get lost, you get found. You try to understand your battleground, but you don't believe the things that come round. I know it's hard to see when you're always falling down, when no one understands. But it's okay if you're not okay. Get high.